dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, la grande mademoiselle, une héroïne de la Fronde. Jamais sans doute n'a-t-elle été aussi heureuse que ce 25 mars 1652. Anne-Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite la grande mademoiselle, enfourche son cheval et à la tête de son escorte, file la bride abattue vers Orléans, bien décidée à empêcher les troupes royales de prendre la ville. La grande mademoiselle, qui est pourtant la petite fille d'Henri IV et la cousine de Louis XIV, c'est encore elle, quelques mois plus tard, que l'on verra à Paris, du haut de la Bastille, donner l'ordre de tirer le canon contre l'armée du roi. Enfin un rôle à sa mesure ou à sa démesure. La grande mademoiselle fait partie de ces femmes de la noblesse française, longtemps oubliées et méprisées, qui au milieu du XVIIe siècle ont pris le parti de la Fronde, contre celui de la régente Anne d'Autriche et de son ministre Mazarin. Se mêlant de politique, haranguant le peuple, commandant des hommes, prenant des risques physiques, ces dames se révèlent de farouches guerrières. La grande mademoiselle, fière et indépendante, amoureuse parfois, donnera du fil à retordre à Louis XIV et paiera cher le prix de son audace. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Sophie Vergne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure agrégée et l'autrice d'un livre tiré de votre thèse « Les Frondeuses, une révolte au féminin ». Un livre passionnant. C'est la première fois qu'une étude sérieuse est consacrée à ces femmes frondeuses ? Oui, sans doute, en tout cas dans leur ensemble. Il y a des études relativement anciennes du 19e siècle qui avaient déjà tenté de réfléchir un petit peu sur ce phénomène, mais avec pas mal de biais liés à au contexte culturel qui est quand même assez patriarcal. Comment donc étaient-elles considérées ces frondeuses, ces dames donc qui se sont battues du côté de la Fronde? Alors au XIXe siècle, elles étaient considérées comme un peu les ornements de leur siècle. Mais quand on analyse un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'au XVIIe siècle, elles étaient prises très au sérieux. Et la correspondance de Mazarin, d'ailleurs, fourmille de remarques, de détails et parfois aussi de passages dans lesquels il s'inquiète très sincèrement des torts qu'elles pourraient causer à la monarchie. Alors pour prendre la mesure et aussi toute la saveur de cette histoire, pourriez-vous, Sophie Vergne, nous rappeler ce qu'était la Fronde? C'était une période assez compliquée de l'histoire de France. Oui, pour comprendre la Fronde, il faut revenir quelques années en arrière, au moment de la mort de Louis XIII, en 1643. Son fils Louis XIV n'a que 5 ans, et donc il faut instaurer une régence, c'est-à-dire confier le pouvoir à quelqu'un d'autre que le roi. Et ce quelqu'un d'autre n'a pas forcément l'autorité du roi et il est susceptible d'être contesté. Ici, ce sera la reine Anne d'Autriche, même si elle prend appui sur le cardinal Mazarin. C'est pas une personnalité politique qui a l'autorité suffisante pour gouverner sans se heurter à une contestation. D'autant plus que le règne précédent a été marqué par un renforcement de l'autorité royale, une première phase de construction de l'absolutisme. Et il y a un certain nombre de contre-pouvoirs qui ont été bridés, en particulier les parlementaires et les grandes familles aristocratiques. Alors ces vaincus-là relèvent la tête et donc vont organiser une révolte en plusieurs temps. La première phase, ce sont les parlementaires, même s'ils reçoivent le soutien de certaines familles aristocratiques. C'est ce qu'on appelle la Fronde parlementaire, c'est ça? Exactement, voilà. Et dans un deuxième temps, donc, ce sont les grands du royaume qui se soulèvent à leur tour. Alors, qui est la grande mademoiselle, justement, avant qu'elle s'engage dans la Fronde? Elle a eu déjà un destin, enfin une naissance assez glorieuse. Oui, alors au moment de la Fronde, elle a une vingtaine d'années. La grande mademoiselle, c'est d'abord une orpheline. Elle a perdu sa mère à la naissance, 5 jours après sa naissance, en 1627. Et elle est marquée par le décès de cette mère, dont elle regrette toute l'affection qu'elle aurait pu lui donner, l'éducation qu'elle aurait pu lui donner. Ça, c'est un point très important. Ensuite, elle a un père, mais ce père, il est lointain, il participe à toutes sortes de complots, donc il est souvent sur les routes, en exil, etc. Donc elle manque de l'affection de ses parents. C'est Gaston d'Orléans qui est le frère de Louis XIII. C'est cela, Gaston d'Orléans, exactement, oui. Quel est le rapport entre le père et la fille? Alors, ces rapports sont très ambivalents. Mademoiselle a beaucoup d'affection pour son père, mais elle est en même temps déçue par ce père qui ne lui paraît pas à la hauteur des enjeux. qui ne lui paraît pas porter suffisamment les valeurs de l'aristocratie. Il est souvent un peu lâche, un peu terne, et c'est d'ailleurs ce qui va lui donner l'occasion de se substituer à lui pendant la Fronde et de connaître donc plusieurs épisodes assez glorieux. Oui, et il y a quelque chose aussi chez cette femme qui va susciter beaucoup d'envie, c'est qu'elle est très riche, c'est une des femmes les plus riches du royaume. Elle a hérité exact, de sa mère. C'est la deuxième caractéristique qu'on peut retenir, c'est une orpheline et c'est une femme richissime, puisqu'elle a hérité de sa mère, Marie de Bourbon-Montpensier, des domaines un peu partout en France, des châteaux qui lui rapportent beaucoup de revenus, mais dont elle n'a pas la jouissance jusqu'en 1651, c'est-à-dire le milieu de la Fronde à peu près. À partir de 1651, elle est donc elle-même, elle peut s'appuyer sur ses revenus, et c'est ce qui va lui permettre de financer la révolte. Et donc elle joue un rôle tout à fait stratégique en finançant le parti de Condé en 1652 et au-delà. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'elle va continuer à financer le prince de Condé alors qu'il est un traître, un félon, qu'il est réfugié à l'étranger. Sur la couverture de votre livre, Sophie Vergne, il y a un tableau, on voit la grande mademoiselle, une femme en mouvement, elle a des plumes sur la tête, elle a un bouclier à la main, une lance de l'autre, c'est une guerrière. Oui, c'est une guerrière telle qu'elle a envie de se représenter, c'est-à-dire à la fois une femme d'action, mais aussi une femme de représentation de théâtre. Elle est une guerrière comme celle qu'on peut voir dans les romans. C'est un peu une héroïne de roman, en fait. Dans les opéras de Lully, le compositeur qu'elle a beaucoup soutenu, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Elle a une culture mondaine, et donc sa représentation de la guerre est très, très imprégnée par des personnages de fiction, en réalité. Sophie Vergne, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, La Grande Mademoiselle, une héroïne de la Fronde, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Picot. Quel affront! M'envoyer en exil, moi, la petite fille d'Henri IV, la princesse la plus convoitée du monde, l'héritière d'une des plus grandes fortunes de France. Devrais-je énumérer toutes les terres qui m'appartiennent? Être traitée de la sorte par son cousin de 14 ans. Ce gamin est le roi, et alors, qui animera la vie de la cour désormais? Paris sans moi sera d'une tristesse infinie. Quelle époque! Comme il est loin le temps où l'on me portait en triomphe, où je faisais tirer le canon de la Bastille. J'en rage. J'étouffe. Oh, qu'on m'entende à Saint-Cloud à la ronde! Qu'on pense que la grande mademoiselle a perdu la raison, je m'en moque! En cette nuit d'octobre 1652, la grande mademoiselle, qui croupit dans son château de Saint-Fargeau, trépigne de rage. Pour cette femme de 25 ans, habituée aux compliments et aux honneurs, être punie est insupportable. Jamais elle n'aurait pu imaginer une telle humiliation. Les actes qu'elle a commis durant la Fronde des princes lui ont valu de recevoir un ordre écrit de son cousin, le jeune roi Louis XIV, l'assommant de quitter les Tuileries, le palais où elle vivait depuis l'enfance, et de se retirer sur l'une de ses terres. Son père, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, lui-même chassé de Paris pour les mêmes raisons, refuse que sa fille le rejoigne. La mort dans l'âme, mademoiselle s'est donc résignée à gagner son château de Saint-Fargeau, situé à quelques lieues de Montargis, avec sa fidèle maréchale de camp, la comtesse de Frontenac. Allons, mademoiselle, cessez de crier et fermez cette fenêtre. On va vous entendre jusqu'à Paris. C'est précisément ce que je souhaite. Soyez raisonnable. Venez vous coucher. Croyez-vous que j'aurais mené des armées au combat, sauvé la ville d'Orléans et fait tirer le canon si j'avais été raisonnable? Non, bien sûr, mais... Pas de mais, jamais de mais. Se retrouver dans ce château ouvert à tous les vents, où l'herbe vous monte jusqu'aux genoux, tout mon corps en frémit de dégoût. Allons, vous êtes une bâtisseuse. Vous parviendrez à rendre ce lieu tout à fait accueillant, et bientôt la cour viendra à vous. Difficile à imaginer. Il pleut dans notre chambre. Depuis bien longtemps, j'aurais dû m'occuper de l'entretien de mes demeures. En avoir autant et pas une seule digne de m'accueillir. Allez poser le broc sous la fuite. Vous n'auriez pu prévoir... Il est vrai, jamais je n'aurais pu m'imaginer être chassée de Paris. Étais-je à ce point aveugle pour ne pas voir les risques que je prenais? Vous avez agi comme vous le dictait votre rang. Voyez le résultat. Oh là! Une nouvelle fuite. Je vais la boucher avec du linge. Sans quoi il pleuvra dans notre lit. Mon père a eu raison de vous nommer ma maréchale de camp. Vous et moi avons malgré tout vécu des événements incroyables, dignes de la chevalerie de nos aïeux. Mon Dieu, votre entrée dans la ville d'Orléans par ruse, telle sainte Geneviève sauvant Paris, vous n'avez écouté que votre cœur, bondi dans votre carrosse et sauvé le fief de votre père des pires outrages. Et quelle femme, je dirais même quel homme, peut se vanter d'avoir réussi à faire ouvrir les portes de Paris à une armée? Le courage, c'est vrai, n'est pas la dernière de mes vertus. Tout cela aurait dû vous apporter la gloire. Je croyais œuvrer pour le roi et son royaume en luttant contre Mazarin. Or, je ne faisais que courir à ma perte. À présent, me voici en exil, mais comment en suis-je arrivé là? 2 ans auparavant, quand le jeune roi Louis XIV, son cousin, était encore mineur, Mademoiselle occupait le devant de la scène à la cour de la régente Anne d'Autriche. De sa mère, morte en lui donnant naissance, Mademoiselle avait hérité une immense fortune qui suscitait bien des convoitises. Mais la fière Mademoiselle n'entendait pas accorder sa main ni sa fortune au premier venu. À la cour, sa principale occupation consistait à dresser des listes de princes régnants en âge de se marier et de rois veufs. La révolte des parlementaires de 1648 ne fut pour elle qu'un simple désagrément. Elle accepta avec légèreté le déplacement de la cour à Saint-Germain, dans des conditions un peu spartiates, l'arrêt des bals, la frugalité des repas et l'ennui. Finalement, le prince de Condé, un de ses cousins, réussissait à la tête des armées du roi à mater les villes rebelles et à obtenir la paix de Rueil en 1649, marquant la fin de la première fronde. Toutefois, une autre fronde se profilait, dont la grande mademoiselle allait bientôt devenir l'une des héroïnes. Pour l'heure, en 1649, avec le retour de la paix, Paris a retrouvé son allure habituelle. Et au palais des Tuileries, Mademoiselle a repris ses habitudes. À son lever, elle découvre avec curiosité la liste des personnes de la cour qui viennent lui rendre visite. Alors, Madame de Frontenac, qui verrons-nous aujourd'hui? Tenez, voici les billets de ceux qui s'annoncent. Voyons, voyons... Oh non... Qu'y a-t-il? La reine d'Angleterre sera là à 3 heures cet après-midi. Allons, un peu de charité. C'est incongru, faire la charité à une reine. La pauvre, chassée de son trône, son mari décapité, sur ordre de ce Cromwell, j'admire son courage. Dieu fasse que jamais, ici, un parlement ne signe l'arrêt de mort d'un roi. Ces Anglais forment vraiment un peuple étrange. Instaurer une république parlementaire, quelle horreur! Remarquez, oui, notre régente devrait se méfier de son Mazarin. Mademoiselle, parlez plus bas. Oh, je sais de quoi je parle. Elle et son Mazarin passent leur temps à combattre les privilèges de nos familles. Voyez-la agrippée à un pouvoir qu'elle veut garder inentamé pour son cher fils. Les princes pourraient en prendre ombrage et ne pas la laisser faire. Mais brisons-la. Vous disiez admirer le courage de la reine d'Angleterre. Moi... je suis sidérée par son opiniâtreté. Elle vient chaque jour me vanter les qualités de son fils aîné. Le prince de Galles, il faut en convenir, a belle allure. Il semble à peine s'intéresser à ses affaires. La reine en exil voudrait que j'épouse son fils. Grâce à ma fortune, il pourrait lever une armée et vaincre ses ennemis. Songez seulement à ce que cela me coûterait. Vous m'imaginez ? Financer ses expéditions guerrières sans avoir la certitude d'être reine un jour... Dieu vous en garde. Vous trouverez un meilleur parti. Oh, je ne suis pas d'humeur à recevoir aujourd'hui. Nous irons nous promener. Faites savoir que je serai absente. Mademoiselle, vous privez de vos visites? Vous qui les appréciez tant? La seule personne que j'attende ne s'est pas annoncée. Inutile de recevoir. De qui s'agit-il? Du prince de Condé. Vous exécrez cet homme? Certes. Mais depuis qu'il a remporté toutes ses victoires contre les frondeurs, il est d'une prétention insolente. Il brigue l'amirauté et se rend tous les jours chez la reine. Peu me chaud. Il se doit de venir me saluer. Vous êtes comme chien et chat tous les deux. Il n'y en a plus que pour lui. Tout lui serait dû. Il est inconcevable que sa famille devienne plus influente que la mienne. Le plus puissant dans ce pays après le roi, c'est son oncle, mon père. Voilà, c'est tout. Condé est insupportable, irascible et hautain. À l'écouter, on croirait qu'il a sauvé le royaume à lui seul. Allons, laissez-le chanter. Il est tout puissant à la cour. Aussi parce que votre père le veut bien. La reine est choquée par son comportement. Il devrait se méfier. À trop semer la discorde, on récolte l'exaspération. Difficile de le réfréner, ses victoires lui sont montées à la tête. La reine pourrait se résoudre à le faire arrêter. L'homme qui a permis la paix après les troubles de cette fronde... Mazarin lui a déjà retiré le commandement des troupes du roi. En effet, il devrait commencer à regarder derrière son épaule. Je serais si heureuse s'il se retrouvait sous les verrous. Espérons. Bien, choisissons ma tenue pour nous rendre dimanche à la confirmation du jeune roi. Savez-vous que j'en serai la marraine ? Et devinez qui sera le parrain du frère du roi ? Monsieur le prince de Condé. La grande mademoiselle voit juste. Un an plus tard, le 18 janvier 1650, sur ordre de la reine, le prince de Condé est arrêté. Aussitôt, son épouse se réfugie à Bordeaux et soulève la ville, que l'armée du roi s'apprête à assiéger. Par sécurité, la régente et la cour préfèrent quitter la capitale et suivre l'armée. À Paris, Gaston d'Orléans, le père de mademoiselle, s'associe aux frondeurs. Ces grands seigneurs considèrent que leurs efforts pour soutenir la régente n'ont pas été justement récompensés et que l'on ne met pas impunément au fer l'un des leurs. Ils réclament la libération de Condé et le renvoi de Mazarin. Les princes finissent par obtenir gain de cause. Le 7 février 1651, après 13 mois d'emprisonnement, Condé est libéré par Mazarin en personne. Dès son arrivée à Paris, le prince de Condé se rend chez Gaston d'Orléans au palais du Luxembourg pour le remercier de son soutien. Mademoiselle. Monsieur le prince, je vous en prie. J'ai été bien aise d'apprendre que vous vous étiez repenti d'avoir nourri tant d'aversion à mon égard. N'était-ce point réciproque ? Jamais je n'ai eu l'impression que vous me portiez dans votre cœur. Cela est vrai. J'ai dansé une gigue quand j'ai appris que vous aviez contracté la petite vérole. Et j'ai souhaité avec passion que vous en soyez défiguré. Eh bien, voyez, rien. Pas une trace. En effet. Votre belle taille, votre bonne mine, votre blancheur opaline et l'éclat de vos cheveux blonds ne vous parent pas moins que tous ces riches colliers de rubis, d'émeraudes et ces boucles de diamants qui brillent sur votre personne. Vous n'êtes point méchant homme. Si vous aviez pu voir mon âme, lorsque rien ne pouvait ajouter à ma haine pour vous. Vous auriez trouvé en moi une rivale de choix dans cette compétition. À l'annonce de votre emprisonnement, je crois n'avoir jamais eu pareille joie. Je le regrette amèrement aujourd'hui. C'était faire le jeu de Mazarin. Bien, je sais qu'à présent vous détestez autant que moi cet Italien. Cette pitoyable vermine n'a de cesse de rogner le pouvoir des princes. Cette haine nous rassemble. Et j'espère que nous resterons amis à présent que Mazarin a fui. Nous avons les mêmes valeurs à défendre. Savez-vous que ce nabot est venu lui-même me libérer ? Le voir à genoux devant moi fut une revanche délectable. Il me priait de croire qu'il n'était pour rien dans mon emprisonnement, que c'était le fait de votre père et des frondeurs. Il essayait de me persuader que mes sauveurs étaient mes bourreaux. Voyez la perfidie de cet homme. Lorsque vous étiez en prison, il est venu me voir, tout mielleux, et s'est proposé de gérer ma fortune. Il m'a invité au conseil, m'a promis que le roi m'épouserait, que je serais reine. Il me voulait de son côté, contre vous. Quand j'ai enfin compris qu'il souhaitait avant tout affaiblir nos familles, je lui ai tourné le dos. Il ne s'embarrasse de rien pour garder le pouvoir. Se confronter à vous dut lui être un supplice. Allez savoir. Il ment, il dissimule à loisir. Mais il a été obligé de me rendre mon épée. Et lorsque nous nous sommes dit adieu, il était fort blême en embrassant ma botte. Espérons qu'il s'agissait de véritables adieux. Et que nous ne le reverrons plus jamais. Il aurait pris la fuite, m'a-t-on dit, du côté de Cologne. Connaissant ce faquin écarlate, il trouvera sûrement le moyen de réapparaître. Condé ne croit pas si bien dire. De son exil, Mazarin continue à gouverner grâce au courrier secret qu'il adresse à la reine. Durant tout l'été 1651, la régente doit faire face à de multiples renversements d'alliances. Les ennemis d'un jour sont les meilleurs amis du lendemain. Le 7 septembre 1651, le roi, qui a 13 ans, est proclamé majeur. Le prince de Condé n'assiste pas à la cérémonie. Pour lui, il est clair que la régente n'entend pas laisser les princes influencer le jeune roi. Mais la situation est fragile. D'un jour à l'autre, tout peut basculer. Condé ne pourra désormais s'imposer que par les armes. Il part se réfugier à Bordeaux et négocie le financement d'une armée avec l'Espagne, pourtant ennemie de la France depuis 30 ans. Mon père ! Mademoiselle, pourquoi cet affolement ? Savez-vous combien de temps il m'a fallu pour me rendre chez vous ? Non. Plus d'une heure. On ne circule plus dans Paris. Vous qui dirigez la capitale, ne pourriez-vous y mettre bon ordre ? Je dirige le Parlement, pas la circulation. On voit que la régente n'est plus dans les murs. Il faut bien qu'elle tente d'éteindre l'incendie, à présent que Condé a rallié à sa cause tout le sud-ouest et la Provence. Condé a raison de se rebeller. Condé exagère. S'allier avec l'Espagne quand nous sommes en guerre contre elle n'est pas digne d'un prince de France. Avez-vous eu vent de la somme qu'il a reçue pour cette alliance ? Ici, beaucoup disent que c'est le prix de sa trahison. En tout cas, cet argent lui permet de lever une armée et de défier la régente. La régente dont l'armée, le savez-vous, est désormais dirigée par Turenne, qui fut l'un des meneurs de la fronde parlementaire. Voyez comment tourne le monde. Les ennemis de la régente deviennent ses meilleurs alliés, et vice-versa. Oui, on perd l'esprit à vouloir suivre qui soutient qui. Le peuple de Paris, lui, au moins, déteste les deux bords. Il met à sac les carrosses des amis de Condé et il exècre tous les hommes de Mazarin. Moi, j'obéis au roi, et donc à la régente. Et vous n'avez signé aucun accord secret avec les parlementaires et les princes de la Fronde, comme cela se murmure ? S'il est secret, pourquoi en parlerais-je ? Mon père, il faut soutenir Condé. L'Espagne a fait libérer des mercenaires pour l'aider. Il sera le plus fort, et vous, vous retrouverez auprès du roi la place que vous auriez toujours dû occuper, avant que Richelieu et son suppôt Mazarin ne vous la volent. C'était à vous, son oncle, d'apprendre au jeune roi à régner. J'espère que vous ne trahirez pas Condé. Il va falloir nous battre, et peut-être même prendre les armes. Tenons-nous prêts, mon père. Allons, ma fille. Retrouvez la raison. Vous battre. Est-ce là le rôle d'une princesse de France ? Bien sûr. Je ferai tout pour aider à la victoire de Condé. Hélas pour la grande mademoiselle, à l'automne 1651, le vent tourne pour le prince de Condé qui essuie de nombreuses défaites. En décembre, le jeune Louis XIV rappelle Mazarin auprès de lui. Au printemps suivant, Condé, pourchassé par l'armée royale, se voit contraint de reprendre le chemin de la capitale avec ses derniers fidèles. Il espère ainsi rejoindre les armées de Gaston d'Orléans. Les troupes royales se dirigent elles aussi vers Paris et sur leur chemin se trouve la ville d'Orléans. Or, elles ont la réputation de piller et de saccager les villes sur leur passage. Très inquiète, mademoiselle se précipite chez son père. Mon père ! Mon père ! Quoi donc, ma fille ? Je peine à comprendre. Pas de bagages. Pas de carrosse dans la cour. Vous ne semblez pas du tout prêt à partir pour Orléans. Pourquoi irais-je ? Mais enfin, père, c'est votre ville. Les soldats du roi vont tout mettre à sac. N'avez-vous pas eu écho de leur conduite ? Le gouverneur d'Orléans n'aura qu'à donner l'ordre d'en laisser les portes closes. Elles le seront. Mais dans les murs, vous vous devez d'être présent. Tout le monde le dit. L'on me félicite déjà pour le coup d'éclat que vous allez entreprendre. Montrez que cette ville est vôtre avant que d'être au roi. Il suffit. Je suis déjà persécuté par les amis du prince de Condé. Ils exigent que je m'y rende. Ils me harcèlent jour et nuit. Se rendent-ils seulement compte que si j'abandonne Paris, tout est perdu ? Ma place sera prise par un homme de Mazarin à la tête du Parlement. Non, non, je ne me rendrai pas dans ma bonne ville d'Orléans. Vous préférez donner l'impression d'abandonner le prince ? Maintenant ? Au moment même où il a besoin de tout notre soutien ? Eh bien, vous n'avez qu'à y aller vous-même. Moi ? N'êtes-vous point Anne-Marie-Louise d'Orléans ? Votre présence vaudra la mienne. Et vous vouliez vous battre, rappelez-vous. Je vous confierai une petite armée. Ah, je serais tellement mieux à Blois. Loin de toute cette agitation, entouré de gens qui ne souhaitent pas que je me mêle de tout. Êtes-vous tout à fait résolu à ne pas y aller ? Je le suis. Eh bien, bonsoir, mon père. Bonsoir, ma fille. Vous feriez mieux d'aller au bal. Mais si vous y tenez, allez sauver Orléans, en évitant de trop vous crotter. Voilà bien mon père, une vraie girouette. Dire non le jour et en pleine nuit me donner l'ordre de partir pour Orléans. Mais cette entreprise est-elle ridicule ou judicieuse? Les Mazarin me prédisent la honte de ma vie. Et les hommes de Condé la plus belle action du monde. Tout ou rien en somme. Allons, j'ai choisi mon camp, j'y vais. Ainsi le prince deviendra mon obligé. Et si grâce à moi il retrouvait sa place de conseiller du roi, il se pourrait que m'étant redevable, il conseille au roi de m'épouser. Et puis moi, je n'ai pas peur, j'affronte. Coiffée du plus beau chapeau à plumes et enveloppée d'une cape rouge sang, je galoperai vers Orléans. Oh, moi seule face à Turenne et à ces milliers d'hommes, ce sera un beau combat, non? Madame de Frontenac, suivez-moi. Mais où allez-vous? C'est tout crotté par là. Croyez-vous qu'il soit temps pour une promenade sur les quais de la Loire? Chut! Venez! C'est pentu! Nous allons tomber dans l'eau. Oh, cessez de geindre! Les grandes actions exigent quelques sacrifices. Mais enfin, allez-vous m'expliquer ce que nous faisons? Les notables d'Orléans refusent de nous ouvrir les portes de la ville, par peur de déplaire au roi. Grand bien leur fasse, nous allons leur faire une belle surprise. Laquelle? Attention! Donnez-moi la main. Ces dalles mouillées sont si glissantes. Allons, suivez mon exemple. Croyez-vous que lors des croisades, nos preux chevaliers renonçaient à Jérusalem aux premiers cailloux venus se loger dans leurs chausses? Allons, courage! Nous entrons dans la grande histoire. Me direz-vous où nous allons? Toutes les portes de la ville sont closes. Mais il en existe une autre, la porte de la Faux. On n'y accède que par les quais. Les bateliers qui travaillent là-bas sont venus me prévenir. La belle affaire, elle sera fermée comme toutes les autres. Ils l'ont démolie. Elle n'a pas résisté longtemps, elle était toute vermoulue. On peut passer par là. N'y a-t-il pas de danger? Oh que si! Un danger immense. Mais pas question d'hésiter. Les conséquences de cette action seront si avantageuses pour moi. Attendez! Comment traverser? Il y a un fossé rempli d'eau. Là, regardez. Les bateliers ont attaché deux barques en guise de pont. Elles n'ont pas l'air stables. Et si nous tombons à l'eau? Elles sont solidement amarrées. Faites-vous agile comme une chatte. Oh mon Dieu! Les acrobaties sont-elles dignes d'une femme de votre condition? Et cela, qu'est-ce donc? Une échelle pour gagner le quai? Ah non, pas ça! Avec nos robes, jamais! Venez, vous dis-je. C'est là notre destin. Et il est grand. Dès que Mademoiselle franchit la porte détruite, des tambours se mettent à battre. Le peuple orléanais s'écrie à son arrivée « Vive le roi, vive les princes et point de Mazarin !» Mademoiselle est portée en triomphe. Les notables d'Orléans, gênés de ne pas avoir ouvert les portes à la fille du duc, viennent à elle tout penauds. Mais Mademoiselle, magnanime, gorgée d'importance, les rassure du haut de son piédestal. Qu'ils ne craignent pas de représailles du roi, ni un pillage de leur cité. Peut-être certains d'entre vous croient-ils manquer à leur devoir en refusant la porte au roi. C'est au contraire le servir que de lui conserver intacte la plus belle ville de son royaume. Tout le monde sait que le roi, à son âge, ne devrait écouter que les conseils du duc d'Orléans et du prince de Condé. Nous savons la source de tous nos malheurs. Le roi est entre les mains d'un étranger qui ne songe qu'à ses intérêts. Vive le roi! Vive les princes! Vous avez fait preuve d'un grand courage à Orléans. Il m'en a fallu. De même, lorsque j'ai dû affronter mon père pour que je puisse rentrer à Paris. Même le roi, à ce moment-là, savait en son cœur que vous œuvriez pour lui. Vous, une petite fille de France, vous lui rappeliez les vraies valeurs. Allez savoir ce qu'on lui aura rapporté de ma conduite. Oh mon Dieu, cette chambre prend l'eau de toutes parts. Bientôt il nous faudra ramer. Votre entrée dans Orléans ne peut être la cause de votre disgrâce. Bien sûr, le roi m'aura comprise. C'était mon rôle d'interdire à son armée de pénétrer dans Orléans. C'est un peu plus tard que la situation s'est envenimée. Si les troupes du roi font un détour pour éviter Orléans, elles n'en continuent pas moins au printemps 1652 à poursuivre l'armée du prince de Condé. Celui-ci subit une défaite à Blénod, puis une seconde à Étampes. Acculé, Condé cherche à trouver refuge dans Paris, mais le peuple refuse de lui ouvrir les portes. Car si Condé venait à prendre la capitale, le roi se verrait obligé de l'assiéger, ce que les Parisiens ne veulent en aucun cas. Pendant ce temps, Mademoiselle est rentrée à Paris. Fière de ses exploits à Orléans et persuadée d'être devenue une grande guerrière, elle se rend au palais du Luxembourg. Eh bien, monsieur, je croyais vous trouver au lit. On m'a dit que vous étiez au plus mal. Voyez mon teint. Il est rose et lumineux. Je suis tout barbouillé de l'intérieur. Barbouillé? Fort bien. Mais cela vous empêche-t-il d'aller porter secours au prince de Condé? Hélas, si je pouvais. Mais touchez mon front. La fièvre doit être haute. Votre front est glacé. Voilà. Je me sens glacé. C'est exactement cela. Sortir serait imprudent. Je vous en supplie. Trouvez la force de monter à cheval et rejoignez le prince. Il faut lui ouvrir l'une des portes de Paris, sans quoi ils se feront massacrer. Je ne suis pas assez malade pour que vous puissiez le voir, mais je le suis assez pour ne point sortir. Faites-vous saigner! Mais dites-moi, mon père, je vous trouve bien calme au moment où votre allié s'apprête à perdre le combat. Auriez-vous déjà ourdi quelque action secrète avec la cour? Cette absence de réponse est-elle un aveu? À l'heure où je vous parle, certains de vos amis pourraient être tués, comme le prince de Condé. Très bien. Ayez au moins la décence de vous coucher et de geindre. Mais avant cela, donnez-moi une lettre obligeante à mon égard, où vous témoignez de toute votre confiance. Qu'allez-vous faire? Je vais sauver le prince. Je ne resterai pas là à le regarder se faire massacrer. Il faut que son armée entre dans la ville. Après quoi, il pourra négocier avec le roi. La lettre. C'est à ce moment-là, si je puis me permettre, mademoiselle, que vous avez pris la mauvaise décision. Comment aurais-je pu rester les bras croisés? Déjà, sous mes fenêtres, je voyais passer un cortège de gentilshommes blessés, presque morts. Les officiers de l'armée de Condé qu'on laissait entrer dans Paris pour se faire soigner. Allais-je attendre qu'ils soient tous tués? Il me fallait agir. Quant à vous, vous n'avez pas hésité à vous joindre à moi lorsque je suis allée à l'hôtel de ville. Étant votre éternel aide de camp, je n'avais guère le choix. Je dois le sauver. Plus que mon devoir, c'est mon avenir qui se joue là. Il m'a déjà dit être redevable pour mon action à Orléans. Si je le sauve, sa femme, la princesse, elle a une bien mauvaise constitution, régulièrement on l'a dit mourante. Elle finira bien par trépasser. Et alors, au cas où mon mariage avec le roi serait compromis, j'aurai le choix d'un autre mari. Allons vite à l'hôtel de ville. Je parlerai au nom du duc et j'obtiendrai certainement des renforts. Dans les rues de Paris, on abaisse les chaînes pour laisser passer mademoiselle dans son carrosse. L'armée de Condé est bloquée à l'extérieur, devant la porte Saint-Antoine. Pour montrer leur détermination, les Parisiens ont dressé des barricades et mis le feu à des tonneaux. La foule arpente le boulevard pour s'assurer que l'on respecte l'ordre de maintenir les portes closes. Dans une maison, toute proche de la porte Saint-Antoine, mademoiselle retrouve secrètement le prince de Condé. Elle regarde avec effroi le spectre qui se dresse devant elle, le visage couvert de poussière, les cheveux tout mêlés, la chemise et le collet couverts de sang, la cuirasse pleine de coups, l'épée à la main sans fourreau. Mademoiselle, vous êtes venue. Dieu soit loué. Monsieur le prince... Oh mon Dieu, dans quel état êtes-vous? Comment avez-vous réussi à venir jusqu'ici? J'ai pu entrer seul dans Paris, mais pour faire venir toute mon armée, il faut faire ouvrir les grands battants de la porte Saint-Antoine. Vous voyez un homme au désespoir. J'ai perdu un grand nombre de mes officiers lors des derniers combats. L'armée du roi nous observe de loin, prête à nous charger, alors que nous sommes acculés contre les murs de Paris, sans fuite possible. Ce sera un massacre. Non ! Battez-vous ! J'ai 400 mousquetaires pour vous ouvrir le boulevard de la Porte Saint-Antoine. Laissez, c'est inutile. Les troupes du roi approchent et la porte reste close. 12 000 hommes marchent vers nous, nous ne sommes plus que 5 000. Ne perdez pas espoir, Condé. Le gouverneur de la Bastille fera tout ce que je lui commanderai grâce à une lettre de mon père. Retournez auprès de vos troupes. Tenez-vous prêts à entrer vous réfugier dans Paris. Mais comment allez-vous ? Je vous sauverai, mais... promettez-moi de ne jamais parler au duc de la faute qu'il a commise en ne venant pas lui-même. Je le ferai. Par respect pour vous. Allez. Retournez à votre armée. Mademoiselle se rend alors à la Bastille, près de la Porte Saint-Antoine. Cette forteresse, qui avait pour vocation de protéger l'est de Paris, est devenue sur ordre de Richelieu une prison d'État. Au sommet de ses tours sont placés des canons, et la grande mademoiselle le sait, être maîtresse des canons, c'est être maîtresse de la porte. Allez-y ! Tournez les canons vers l'est, vers Charonne ! Oui, c'est ça, tournez-les ! C'est un ordre du duc d'Orléans ! Tournez ! Allez ! Voilà. J'ai fait tourner les canons vers l'extérieur de Paris. Depuis toujours, les canons de la Bastille sont pointés vers la ville afin que les Parisiens se tiennent sages. C'est la première fois que j'entre dans cette forteresse. Quelle vue du haut de ces tours! Voyons, comment se règle une lunette d'approche? Ah voilà. Oh, que de monde sur les hauteurs de Charonne. Toute l'armée royale est là. J'aperçois aussi des carrosses. Le roi, sans doute, est venu en personne assister au spectacle. S'il venait à mourir... Mais je dois arrêter ces troupes avant qu'elles ne massacrent Condé. C'est bon. Les canons sont prêts. Messieurs ! Faites feu ! Les coups de canon tirés le 2 juillet 1652 sauvent le prince de Condé, qui peut alors pénétrer dans Paris. Mais le prince se révélera un piètre homme politique, et 3 mois plus tard, les bourgeois de Paris l'enchassent, excédés par sa tyrannie. Le roi négocie avec les parlementaires, promet l'éloignement de Mazarin et une amnistie pour les frondeurs. Louis XIV peut alors faire une entrée triomphale dans Paris le 21 octobre 1652. La Fronde est finie. Condé est contraint à l'exil, mais 7 ans plus tard, il se jettera aux pieds du jeune roi et obtiendra son pardon. Gaston d'Orléans, le père de Mademoiselle, finira sa vie retiré au château de Blois. Après des années de fronde, la régente et le cardinal Mazarin ont réussi, contre vents et marées, à conserver l'autorité royale pour le jeune Louis XIV. Mademoiselle, elle, restera plus de 5 ans en exil. Ces coups de canon vous ont perdu. Je sais. On dit qu'un boulet est tombé au pied du roi. Je comprends qu'il m'en veuille pour cela. Je peux faire une croix sur mon mariage avec lui. Il vous pardonnera. Un jour, sans doute, il me laissera revenir. Et dire qu'enfant, je l'appelais mon petit mari. Vous allez vous occuper ici. Des prétendants dignes de vous sauront vous trouver. Certes. Quand j'y repense, je conçois la folie de mon comportement. La mienne et celle de toute la noblesse frondeuse. Nous avons péché en faisant passer nos intérêts propres avant ceux du royaume. Pour ma part, j'ai compris d'où m'est venu mon aveuglement. Eh bien, dites-moi. Il n'y a pas une seule cause, mais une multitude. La mélancolie née de la mort de ma mère à ma naissance. Toute la fortune qu'elle m'a léguée ne saurait racheter ce vide immense. Et j'ai agi en guerrière pour conquérir l'amour d'un père indifférent à mon égard, mais pas à ma fortune. J'avais oublié qu'en naissant femme, j'avais déçu son désir de mettre son héritier sur le trône de France. Pourtant, j'ai montré beaucoup de courage. Vous ne trouvez pas ? J'aurais mérité d'être reine. C'est de la faute de la régente si j'y ai cru. À la naissance de son fils, Louis XIV, je craignais de perdre son amour. Alors, pour me rassurer, elle m'avait promis que je serais un jour sa belle-fille. Je le sais. Pour tous, je suis une éternelle enfant capricieuse. Un jour peut-être, je serai grande. Mademoiselle, une héroïne de la Fronde de Jean-Benoît Patricot, avec la grande mademoiselle Lou Chauvin, la comtesse de Frontenac Pauline Belle, le duc d'Orléans Geoffroy Guerrier et le prince de Condé François de Brouwer. Bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Aurélie Miermont, réalisation Sophie Picon. Quelques minutes, on reprend la discussion sur la grande mademoiselle et les frondeuses avec mon invité Sophie Vergne. Don't Fail Me Now de Joy Crooks sur France Inter. Auteur n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alix Barrois et Vincent Désière. Sophie Vergne, nous avons quitté la grande mademoiselle se lamentant dans son château de Fargeau, un très beau château, mais qui à l'époque est quasiment en ruine et où elle vit donc depuis qu'elle a été bannie de la cour par Louis XIV. On l'a vu, la grande mademoiselle n'en a fait qu'à sa tête, mais a-t-elle vraiment été une menace pour le roi ? Non, je dirais pas qu'elle a été une menace pour le roi. Elle lui a causé quelques soucis, disons, ponctuels. Alors, lorsqu'elle s'empare d'Orléans, ça a effectivement assez peu d'impact, dans la mesure où elle ne parvient pas à faire entrer ses troupes dans la ville. Elle rentre, elle et sa suite, mais elle ne fait pas rentrer ses troupes, et elle ne parvient pas à faire rentrer Condé non plus. Elle empêche les royaux de s'emparer de la ville. Donc, ça, c'est une petite victoire, on va dire, mais ce n'est pas tout à fait décisif. Quand elle fait rentrer Condé dans Paris ensuite au mois de juillet, après avoir fait tirer donc le canon de la Bastille sur les troupes du roi, c'est pareil. En fait, ça va retarder la victoire des royaux, mais ça ne fait qu'ajouter un délai supplémentaire à une victoire de la cour qui est quand même acquise. Oui, mais enfin, tout de même, elle fait tirer le canon sur les troupes du roi. Le roi lui-même aurait pu être blessé. C'est peut-être plus symbolique que réellement un danger, mais il fallait peut-être la punir de ça, non ? Même symboliquement. Pour Louis XIV, bien sûr, oui, pour Louis XIV, c'était inenvisageable qu'elle puisse rester à ses côtés alors qu'elle avait fait tirer le canon sur ses troupes, voire effectivement, vous avez raison, il était très, très près. Donc symboliquement, la réaffirmation de son pouvoir passe par le bannissement de tous ceux qui ont défié son autorité. Oui. C'était inévitable. Il n'y a pas que la grande mademoiselle qui a ce sort. Voilà, Gaston d'Orléans est concerné également, et tous ceux qui se sont soulevés contre l'autorité royale. Alors, quelle était l'ambition exactement de la grande mademoiselle, à part devenir la reine, donc éventuellement l'épouse de Louis XIV? Est-ce qu'elle avait un projet politique, ou bien, en tout cas, participait-elle d'un projet politique? Ou est-ce que la Fronde, ce n'était qu'une occasion de se distraire, de vivre un espèce de fantasme littéraire, de vivre comme si on était dans un roman des Précieuses? Alors, dans ses mémoires, elle dit que c'était l'occasion de faire son devoir et de se venger en même temps des personnes qu'elle n'aimait pas. Donc, elle joint les deux, en fait. Ouais. Faire son devoir, ça veut dire d'abord suppléer aux défaillances de son père, parce que c'était à lui de s'investir aux côtés de Condé. Il le fait pas, elle est déçue, donc elle prend sa place. Et ça veut dire donc participer à cette fronde aristocratique qui défend une conception alternative de la monarchie, alternative à l'absolutisme, qui serait une monarchie tempérée, où les grands du royaume exerceraient leurs droits de conseil auprès du roi. Voilà, c'est ça qu'ils défendent, en fait. Même s'ils ont l'air, et c'est le cas un peu aussi, de défendre des privilèges, d'être dans des querelles un peu mesquines, ce qu'ils défendent, c'est un projet politique alternatif, celui d'une monarchie tempérée. C'est le contraire de l'absolutisme. Est-ce que la grande mademoiselle et les autres femmes qui se sont illustrées dans la Fronde, est-ce qu'elles ont des modèles de femmes, justement, guerrières? Où est-ce qu'elles trouvent leur inspiration? Alors, c'est vrai que c'est une particularité de la régence d'Anne d'Autriche, d'être un moment où on a énormément valorisé le modèle de la femme forte. C'est Anne d'Autriche elle-même, d'ailleurs. Voilà, c'est lié à la présence au pouvoir d'Anne d'Autriche. On a beaucoup expliqué que les femmes n'étaient pas capables de gouverner. Or, la situation fait qu'une femme gouverne. Et donc, il faut essayer de légitimer son pouvoir. Et pour ça, on va chercher des cautions. Alors, des cautions dans la mythologie grecque, par exemple, avec les Amazones, qui sont capables de combattre et de gouverner leur propre état. Dans la tradition biblique, avec le modèle de Judith, par exemple. Mm-hmm. Et puis, dans l'histoire, il y a Jeanne d'Arc, par exemple. Et pour Mademoiselle, évidemment, c'est une référence, puisqu'elle part à Orléans, comme Jeanne d'Arc naguère. Et donc on a tout ce répertoire de modèles féminins qui sont présents dans la culture aristocratique, dont Mademoiselle est profondément imprégnée, parce que même si elle n'a pas une culture savante, c'est pas une femme instruite, elle a fréquenté les salons, elle a fréquenté les milieux aristocratiques où ces modèles circulaient. Elle a lu, elle a vu des pièces de théâtre, et elle est profondément imprégnée de ces modèles, comme les autres femmes de son milieu et de sa génération. Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire que les périodes comme ça, où il y a des troubles, où le pouvoir central est affaibli, ce sont des périodes qui sont propices justement à l'émergence des femmes? C'est ce qu'on dira par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, on est complètement trois siècles après, mais est-ce que c'est comparable? Alors, je ne sais pas si je ferai la comparaison entre ces deux périodes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au milieu du XVIIe siècle, en effet, cette période de chaos, d'instabilité politique, qui est une période de subversion, va favoriser une autre forme de subversion qui est celle des normes de genre, et c'est-à-dire de la séparation entre les femmes qui doivent rester dans l'espace privé et les hommes qui ont vocation à investir l'espace public. Dans des temps troublés, cette bipartition des rôles sexuels a tendance à s'estomper, d'autant plus facilement d'ailleurs qu'elle elle est pas vraiment écrite. C'est une norme un peu coutumière, on pourrait dire, tacite. Et donc, dans un contexte comme ça, très, très vaporeux, les femmes s'aventurent sur des terrains qui sont masculins. Et finalement, j'allais dire, ça ne gêne personne. C'est-à-dire que quand on regarde les témoignages, alors, qui sont tous issus de gens qui sont lettrés, etc. Hein, c'est pas forcément représentatif de l'opinion de la totalité de la population. Mais en tout cas, les gens instruits et lettrés qui ont laissé des témoignages ne sont pas, pour la plupart, choqués par cette intrusion des femmes de l'aristocratie sur des terrains masculins. Alors, l'exil de la grande mademoiselle ne va durer finalement que 4-5 ans. Et pendant ce temps-là, elle ne fait pas que se lamenter, la grande mademoiselle. Elle écrit aussi ses mémoires, un texte, je crois, d'un grand intérêt historique et même littéraire. Oui, oui, elle a beaucoup été étudiée par des littéraires aussi, parce qu'elle exprime sa conscience. Elle exprime, c'est un texte autobiographique qui a énormément d'intérêt de ce point de vue. Pour les historiens, évidemment, c'est un témoignage qui est quand même sujet à caution, parce qu'elle a tendance à reconstruire de manière un peu magnifiée les événements auxquels elle a participé. Héroïque, oui, voilà, c'est ça. Elle se peint en héroïne de roman. Il n'en reste pas moins que c'est une vérité, c'est la vérité de sa conscience. C'est la vérité de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle aurait voulu vivre aussi, et de la façon dont elle reste imprégnée par ces événements-là. Mademoiselle, après la Fronde, dans son château de Saint-Fargeau, en ruine, n'est pas une repentie, ne regrette pas ce qu'elle a fait. Elle ne regrette pas, oui. Non, elle ne regrette pas du tout. Quand elle écrit ses mémoires, c'est une façon de le vivre une deuxième fois, en réalité. Elle se donne le plaisir. Elle s'est bien amusée, quand même. Oui, elle s'est amusée, elle a eu le sentiment d'accomplir son devoir, elle en est profondément persuadée, et donc c'est une satisfaction très profonde pour elle. En 1657, la grande mademoiselle est pardonnée et revient à la cour, donc Louis XIV, visiblement, ne lui en veut pas trop. En 1661, il décide de régner seul et instaure ce qu'on va appeler l'absolutisme royal. Là, c'est la fin définitive de la Fronde, c'est la fin de la récré, quoi. L'ordre règne. Oui, elle a beaucoup de mal à s'y résoudre. Quelques années plus tard, enfin en 1662, donc un an plus tard, on lui demande d'épouser le roi de Portugal, Alphonse VI, qui est un homme, d'après les témoignages, contrefait et à demi-fou. Et mademoiselle refuse. Elle va tomber amoureuse d'un autre homme, Lauzun, beaucoup plus séduisant, mais Louis XIV, là, il autorise le mariage, mais finalement, il changera d'avis et refusera qu'elle l'épouse. Elle a toujours cherché à maîtriser son propre destin, à choisir avec qui elle allait se marier. Donc ce roi de Portugal, bon, elle refuse de l'épouser, donc ça lui vaut un deuxième exil quand même, qui va durer 2 ans. Elle revient effectivement, et là, elle tombe amoureuse à 40 ans pour la première fois de sa vie. Et en effet, Louis XIV, à nouveau, faisant preuve d'autorité, finit par interdire ce mariage. Et donc, elle a été, mademoiselle, en fait, l'histoire de sa vie, c'est celle de l'autoritarisme qui s'abat sur elle, de la difficulté finalement d'être une femme et de conduire son destin. Et c'est pourtant ce qu'elle a essayé de faire tout au long de son existence. Merci beaucoup Sophie Verne de nous avoir raconté justement l'histoire de la grande mademoiselle. Votre livre passionnant, Frondeuse, une révolte féminin, 1643-1661, préfacé par Joëlle Cornette et édité aux éditions Champvallon. Je signale également Merci. La parution d'un essai de l'historienne Eliane Viennot, En finir avec l'homme, qui raconte comment le mot homme a fini par désigner l'espèce humaine dans son intégralité, publié aux éditions X. Et merci beaucoup également à France Bleu Occitanie. Autant n'importe l'histoire est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous parlerai de Pablo Picasso et de son modèle Fernand Olivier, au temps où le jeune peintre espagnol vit dans la Dèche au bateau Lavoir avec ses copains Max Jacob et Apollinaire et donc son amoureuse, la belle Fernande. Fernand Olivier et Pablo Picasso, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.